petite bourgeoisie qui boit du champagne. C'est pour tous les quotas français que je parle plus anglais. I'm not crazy, I'm just fond of you. And all the piles of money that grows next to you. C'est pour la petite bourgeoisie qui flâne à Hawaï, qui se paie les buts diamants à la coupe de champagne. I'm not crazy, I'm just fond of you. And all the piles of money that grows next to you. Just recording a track for all the bitches out there, shaking their ass like they just don't care. Like they just don't care. T'as passé ta vie à prendre ton temps, du fric en masse que tu caches dans tes gants. Craqué jusqu'au dent, tu claques la caisse des parents pour rentrer dans les soirées, c'est immobilisant. C'est pour la petite bourgeoisie. Champagne.